930,900 جزائري. Je répète le message, on vient de découvrir à la frontière, dans un camion plombé censé transporter des machines à coudre, 38 Maliens totalement épuisés qui se rendaient en... Exact. Monsieur l'ambassadeur. Dans ce pays, tragedia, sciutira pizzetto, miseria, potpaliti sciumo, ostaviti gumo, nusditi podrumo, blasfemia. Santé, les immigrés vont craquer. RFA ne veut plus de ces immigrés étrangers. Les candidats ne seront pas oubliés. Les évêques français et allemands devront faire une déclaration solennelle devant le juge. Est-il en France un islam intégriste? Le code de la nationalité l'annonce par le garde des Sceaux. Cette réforme adoptée sur le rappelle. Mettre le beurre dans la majorité ici et la juge. Sur la nationalité, le code national. Les immigrés priaient de se faire discret dans le centre-ville. À moins de multiplier les fonctionnaires de police. L'opposition se cherche une ligne dure à propos de l'immigration. Le Conseil d'État propose un veto extrêmement net. L'immigré chez les migrants. Le projet de loi réformant le code de la nationalité. Que ne touche pas à mon vote. Le gouvernement a soutenu son projet. Renforcement des polices. Le code de la nationalité. Les associations veulent transformer le report en retrait. Les beurs et villes lèvent. Une chance pour les pays pauvres. Le retour des immigrés. A rapporté les dernières modifications à la l'école et les immigrés. Nationalité. Quelques aménagements ont été concédés aux membres de la parole contre le racisme. Carte de séjour. Les urnes bataves s'ouvrent aux immigrés bis. Le parallèle avec l'université. Arrêtez les. La nationalité. Visa pour le Parlement. Thank you.